Est-ce que vous arrivez à différencier l'homme avec un grand F et la machine? Alors j'espère que dans la plupart des cas, oui, mais qu'est-ce qui vous fait tiquer? Quand vous voyez ou vous entendez une œuvre, qu'est-ce qui montre que c'est un humain qui l'a créé et pas un système automatique capable de reproduire subtilement des caractéristiques auxquelles nous sommes sensibles? Est-ce que je vous ai déjà perdu? Ou je vous ai peut-être rendu parano? Pour résumer, qu'est-ce qui fait que ça semble vrai ou au contraire complètement factice? Et comme il n'y a qu'un humain pour se poser cette question, il peut aussi jouer avec cette frontière, créer du vrai faux ou du faux vrai. Quand les robots font de la funk, c'est la même, mais pas pareil. Nous sommes en 1970, et James Brown peaufine son mélange de R&B, de jazz, de soul et de rythme afro-cubain qu'on appelle odeur de sueur, funk. Ce style est très inspiré des transitions musicales de l'Afrique subsaharienne, dans les chants spirituels, les chansons de travail, les hommages. C'est une musique expressive, revendicative, qui correspond très bien au contexte de 1970, la lutte pour les droits civiques et la révélation d'une fierté noire aux États-Unis. Le James Brown, qui gérait sa carrière comme un businessman désintéressé des enjeux sociaux, est devenu un porte-parole de la communauté afro-américaine, auteur du fameux « I'm black and I'm proud »,« Je suis noir et je suis fier ». Pour en savoir plus, on a un article sur Martin Luther King sur le site de Tartinta Culture qui parle du rôle de James Brown à cette époque. James Brown donc vient de créer son nouveau groupe, The JB's. Et comme la section cuivre est encore assez inexpérimentée, la musique va être encore plus concentrée que sur ses derniers opus, comme par exemple sur Papa's Got a Brand New Bag. Vous voulez un exemple criant de funk, voici donc Get Up, I Feel Like a Sex Machine. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. James lance la machine, on marque le temps avec la basse et les cuivres, puis on lance le funk. La base rythmique au premier plan, et on appuie sur le premier temps. La batterie syncopée, la guitare qui ponctue les rythmes, et surtout la basse qui groove. Sans elle, tout est vide. Évidemment, vous insérez James Brown, dont le chant consiste en de petites accroches, ce qu'on appelle des vamps. C'est Get Up, et un jeu d'appel et de réponse avec les chœurs de Bobby Bird. Pour les paroles, je vais pas vous faire un dessin, c'est un jeu de motivation. Lève-toi, prends la scène, et comme une machine de sexe. Tout se joue sur ce riff et l'énergie vocale qu'il complète. C'est comme une démarche chaloupée, mais stable, fluide, auquel on ajoute des effets de style. Cette première version dure un peu plus de 5 minutes, mais la durée est complètement secondaire dans l'exercice. Donc la même année, une version de presque 11 minutes, avec plus de réverb et des bruits de public, est éditée. Une autre spéciale disco sortira en 75, avec un nouvel arrangement et d'autres paroles. Une variante oubliable, mais qui aura comme ses grandes sœurs sa dose de succès. Sex Machine n'est pas un gros tube, excepté en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis bien sûr, mais c'est un classique, un inoubliable, une machine à faire danser qui dépasse clairement la mode. C'est marrant que James Brown ait reçu le nom de parrain de la soul et qu'il ait plus ou moins installé le funk dans l'univers musical. Il montre que la mélodie peut être minimale tant que la rythmique est incisive, percutante, surprenante. Qu'on soit capable d'apprécier un riff de moins de 3 secondes répété une centaine de fois expliquera plus tard l'art du loop et du sampling. Il en faut peu pour être heureux. Il y a quelque chose de primal, donc de très humain, dans la funk, et particulièrement dans Sex Machine. Alors qu'est-ce que ça donnerait si on retirait ce côté instinctif pour une expression robotique, presque automatique? 1984 est une année où on peut faire de l'expérimentation sans complexe dans la pop. Flying Lizards est un rassemblement d'avant-gardistes anglais mené par David Cunningham, un peu post-punk, surtout New Wave, qui se sont fait un nom avec leur musique volontairement synthétique, des compositions répétitives portées par une instrumentation et surtout un chant aussi inexpressif que possible. Vous entendez leur tube Money, sorti 5 ans plus tôt. Donc en l'an George Orwell, après une longue pause, les Lézards Volants pondent un album de reprise, Top 10, où ils touchent à des artistes très variés, du Leonard Cohen comme du Tom Jones, mais avec un intérêt particulier pour le rock'n'roll, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran ou le Big Boss Little Richard. Mais il y a aussi James Brown. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Go ahead. Moving, doing it, you know. Go ahead. Can I count it on? Go ahead, go ahead. One, two, three, four. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. St Imaginez des humains qui jouent des androïdes qui essayent d'imiter des humains. De la musique à prendre au troisième degré, qui repose sur des références populaires, on pourrait appeler ça un truc de poseur. Mais juger c'est bon pour les magistrats. Et Sex Machine, c'est un peu un cas à part. Bon bah déjà parce qu'il y a Machine, donc le robot qui chante ce morceau, c'est cohérent. Ensuite parce que la rythmique funk trouve son équivalent, même si le son est synthétique, on garde le côté dansant. Et puis comme l'original était propice à l'improvisation, la reprise s'autorise une variété de bruitages, d'auto-sampling de voix, d'extraits sonores. Même si l'ensemble peut sembler vite irritant, les arrangements font durer le morceau. Alors oui, ces effets ont salement vieilli parce qu'ils remontent à une époque où une technologie, et donc une nouvelle façon de faire de la pop, s'imposait, et qu'on mettait plus en avant la forme, l'exemple, qu'un aboutissement musical. Certains artistes montraient depuis une dizaine d'années que les synthétiseurs pouvaient imiter des instruments, ou que leur singularité avait sa place dans une création musicale grand public. David Cunningham et ses Flying Lizards étaient dans une démarche plus frontale, une identité synthétique de A à Z, et avec un album de reprise, ils pouvaient pousser au bout leur concept. D'ailleurs, c'est le dernier projet qu'ils aient réalisé. Comme l'a résumé le journaliste Mark Allen en 2001, aujourd'hui cet album sonne un peu usé. Ses formes de post-structuralisme et de déconstruction ont fait largement leur place dans notre société actuelle. Cependant, malgré la probabilité que Flying Lizards soit utilisé comme musique de fond d'un documentaire sur le postmodernisme, c'est agréable de voir une œuvre où les artistes ont été capables de mettre un pied dans le passé, un pied dans le présent, mais étaient encore assez en avance sur tout le monde pour atteindre une décennie dans le futur. Reprendre une musique symbole d'émancipation, d'appropriation d'une identité africaine aux États-Unis, et en faire un marqueur du temps qui passe, c'est à la fois une idée typique de cette époque et en même temps très actuelle. Depuis plus de 3 décennies, nous n'avons cessé de jouer entre authentique et fonctionnel, à jouer avec les nostalgies en les mettant au goût du jour de façon pratique, même si l'essence d'une musique, ce qui touchait les gens, peut sembler de plus en plus dilué. Pourrait-on aller vers une robotisation de l'industrie musicale, une pop totalement automatique? Comme je suis pas devin, je vais supposer que ça reposera sur les priorités de l'être humain. Vous préférez le sexe ou la machine ?